ça le soulage. Très inquiet, mais plein d'espoir. Cujo quittant sa terre, espère la revoir. Très inquiet, car il le sait, la route est longue et personne n'est sûr d'arriver. S'il existe une autre vie, je veux l'essayer. Elle existe à mon avis, mais il faut la trouver. S'il existe une autre vie, je veux l'essayer. Elle existe à mon avis, mais il faut la trouver. Je les ai renversés. Ici ou ailleurs, il a fallu